Chapitre 10. Arrivée en Russie. On n'était guère accoutumé à considérer la Russie comme l'état le plus libre de l'Europe. Mais le joug que l'empereur de France fait peser sur tous les états du continent est tel qu'on se croit dans une république dès qu'on arrive dans un pays où la tyrannie de Napoléon ne peut plus se faire sentir. C'est le 14 juillet que j'entrai en Russie. Cet anniversaire du premier jour de la Révolution me frappa singulièrement. Ainsi se refermait pour moi le cercle de l'histoire de France qui, le 14 juillet 1789, avait commencé. Note. C'est le 14 juillet 1817 que ma mère nous a été enlevée et que Dieu l'a reçue dans son sein. Quelle âme ne serait pas saisie d'une émotion religieuse en méditant sur ces rapprochements mystérieux qu'offre la destinée humaine. Note de M. de Staël, fils. Quand la barrière qui sépare l'Autriche de la Russie s'ouvrit pour me laisser passer, je jurai de ne jamais remettre les pieds dans un pays soumis d'une manière quelconque à l'empereur Napoléon. Ce serment me permettra-t-il jamais de revoir la belle France? Le premier homme qui me reçut en Russie, ce fut un Français autrefois commis dans les bureaux de mon père. Il me parla de lui les larmes aux yeux, et ce nom ainsi prononcé me parut un heureux augure. En effet, dans cet empire russe, si faussement appelé barbare, je n'ai éprouvé que des impressions nobles et douces. Puisse ma reconnaissance attirer des bénédictions de plus sur ce peuple et sur son souverain. J'entrais en Russie dans un moment où l'armée française avait déjà pénétré très avant sur le territoire russe. Et cependant, aucune persécution, aucune gêne n'arrêtait un instant l'étranger voyageur. Ni moi, ni mes compagnons, nous ne savions un mot de russe. Nous ne parlions que le français, la langue des ennemis qui dévastait l'Empire. Je n'avais pas même avec moi, par une suite de hasards fâcheux, un seul domestique qui parla russe. Et, sans un médecin allemand, le docteur Renner, qui a le plus généreusement du monde voulu bien nous servir d'interprète jusqu'à Moscou, nous aurions vraiment mérité ce nom de « sourds et muets » que les Russes donnent aux étrangers dans leur langue. Eh bien, dans cet état, notre voyage eût encore été sûr et facile, tant est grande, en Russie, l'hospitalité des nobles et du peuple. Dès nos premiers pas, nous apprîmes que la route directe de Pétersbourg était déjà occupée par les armées et qu'il fallait passer par Moscou pour nous y rendre. C'était 200 lieues de détour, mais nous en faisions déjà 1500 et je m'applaudis maintenant d'avoir vu Moscou. La première province qu'il nous fallut traverser, la Volhynie, fait partie de la Pologne russe. C'est un pays fertile, inondé de juifs comme la Galicie, mais beaucoup moins misérable. Je m'arrêtai dans le château d'un seigneur polonais auquel j'étais recommandé. Il me conseilla de me hâter d'avancer parce que les Français marchaient sur la Volhynie et qu'ils pourraient bien y entrer dans 8 jours. Les Polonais, en général, aiment mieux les Russes que les Autrichiens. Les Russes et les Polonais sont de race esclavonne. Ils ont été ennemis, mais ils se considèrent mutuellement. Tandis que les Allemands, plus avancés que les esclavons dans la civilisation européenne, ne savent pas leur rendre justice à d'autres égards. Il était facile de voir que les Polonais, en Volhynie, ne redoutaient pas l'entrée des Français. Mais, bien que leur opinion fût connue, on ne leur faisait pas éprouver des persécutions de détail qui ne font qu'exciter la haine sans la contenir. C'était cependant toujours un pénible spectacle que celui d'une nation soumise par une autre. Il faut plusieurs siècles avant que l'unité soit si bien établie qu'elle fasse oublier le nom de vainqueur et celui de vaincu. À Jimotir, chef-lieu de la Volhynie, on me raconta que le ministre de la police russe avait été envoyé à Vilna pour savoir le motif de l'agression de l'empereur Napoléon et protester, selon les formes, contre son entrée sur le territoire de Russie. On aura de la peine à croire aux sacrifices en nombre que l'empereur Alexandre a fait pour conserver la paix. Et en effet, loin que Napoléon pût accuser l'empereur Alexandre d'avoir manqué au traité de Tilsit, l'on aurait pu bien plutôt lui reprocher une fidélité trop scrupuleuse à ce funeste traité. et c'était Alexandre qui eût été en droit de faire la guerre à Napoléon, comme y ayant manqué le premier. L'empereur de France se livra dans sa conversation avec M. de Balachev, ministre de la police, à ces inconcevables indiscrétions qu'on prendrait pour de l'abandon, si l'on ne savait pas qu'il lui convient d'augmenter la terreur qu'il inspire en se montrant au-dessus de tous les genres de calcul. « Croyez-vous, dit-il à M. de Balachev, que je me soucie de ces jacobins de Polonais ?» Et en effet, on assure qu'il existe une lettre adressée il y a quelques années à M. de Romanzoff par un des ministres de Napoléon, dans laquelle on propose de rayer de tout acte européen le nom de Pologne et de Polonais. Quel malheur pour cette nation que l'empereur Alexandre n'ait pas pris le titre de roi de Pologne et associé la cause de ce peuple opprimé à celle de toutes les âmes généreuses. Napoléon demanda à un de ses généraux, devant M. de Balachev, s'il avait jamais été à Moscou et ce que c'était que cette ville. Le général dit qu'elle lui avait paru plutôt un grand village qu'une capitale. « Et combien y a-t-il d'églises ? » continua l'empereur. « Environ 1600, lui répondit-on. « C'est inconcevable, reprit Napoléon, dans un temps où l'on n'est plus religieux. « Pardon, sire, dit M. de Balachev, les Russes et les Espagnols le sont encore. » Admirable réponse, et qui présageait, on devait l'espérer, que les Moscovites seraient les Castillans du Nord. Néanmoins, l'armée française faisait des progrès rapides. Et l'on est si accoutumé à voir les Français triompher de tout au dehors, quoique chez eux ils ne sachent résister à aucun genre de joug, que je pouvais craindre, avec raison, de les rencontrer déjà sur la route même de Moscou. Bizarre sort pour moi que de fuir d'abord les Français, au milieu desquels je suis né, qui ont porté mon père en triomphe, et de les fuir jusqu'aux confins de l'Asie. Mais enfin, quelle est la destinée, grande ou petite, que l'homme choisi pour humilier l'homme ne bouleverse pas. Je me crus forcé d'aller à Odessa, ville devenue prospère par l'administration éclairée du duc de Richelieu, et de là j'aurais été à Constantinople et en Grèce. Je me consolais de ce grand voyage en pensant à un poème sur Richard Cœur de Lion que je me propose d'écrire si ma vie et ma santé y suffisent. Ce poème est destiné à peindre les mœurs et la nature de l'Orient et à consacrer une grande époque de l'histoire anglaise, celle où l'enthousiasme des croisades a fait place à l'enthousiasme de la liberté. Mais, comme on ne peut peindre que ce qu'on a vu, de même qu'on ne saurait exprimer que ce qu'on a senti, il faut que j'aille à Constantinople, en Syrie et en Sicile, pour y suivre les traces de Richard. Mes compagnons de voyage, jugeant mieux de mes forces que moi-même, me dissuadèrent d'une telle entreprise et m'assurèrent qu'en me pressant, je pourrais aller en poste plus vite qu'une armée. On va voir qu'en effet, je n'eus pas beaucoup de temps de reste.